Il laboure l'abîme. Il ouvre ses sillons où croissait l'ouragan, l'hiver, les tourbillons, les sifflements et les huées. Grâce à lui, la concorde et la gerbe des cieux. Il va, fécondateur du ciel mystérieux, charrue auguste des nuées. Il fait germer la vie humaine dans ces champs où Dieu n'avait encore semé que des couchants et moissonné que des aurores. Il entend, sous son vol qui fend les airs sereins, croître et frémir partout les peuples souverains, ses immenses épices sonores. Nef magique et suprême, elle a, rien qu'en marchant, changé les cris terrestres en purs et joyeux chants, rajeuni les races flétries, établi l'ordre vrai, montré le chemin sûr. Dieu juste, et fait entrer dans l'homme tant d'azur qu'elle a supprimé les patries. Faisant à l'homme, avec le ciel, une cité, une pensée, avec toute l'immensité, elle abolit les vieilles règles. Elle abaisse les monts, elle annule les tours. Splendide, elle introduit les peuples, marcheurs lourds, dans la communion des aigles. Elle a cette divine et chaste fonction de composer là-haut l'unique nation, à la fois dernière et première, de promener l'essor dans le rayonnement et de faire planer, ivre de firmament, la liberté dans la lumière. Fin du poème 58, intitulé « XXe siècle ».